La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. La tête. Tête. Oh. Oh. Tête, tête, tête, tête. Carré. Ce soir aura lieu la 4e édition de la Nuit des Idées. Partout en France et sur les 5 continents auront lieu en simultané donc des rencontres, des conférences, des concerts et des projections publiques pour discuter du présent et essayer de trouver des solutions à donner aux défis de demain. L'anthropologue Philippe Descola est l'invité d'honneur de cet événement avec un dialogue en compagnie de l'artiste américain Sister Gates. Philippe Descola, spécialiste du peuple hachoir d'Amazonie, il discutera de sa vision du monde et de notre rapport à la nature. Et quelques heures justement avant le lancement de cette Nuit des Idées, il file des tours par la tête au carré pour répondre à toutes vos questions concernant justement, entre autres, l'urgence climatique et la prise de conscience sur l'écologie. Nous attendons donc vos messages et vos questions. On se retrouve dans un instant avec Philippe Descola sur franceinter.fr et sur le mot-clé « l'attaque ». Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. À la une aujourd'hui de la science, un tableau qui va sûrement rappeler beaucoup de souvenirs à nos auditeurs. Oui, on va parler du fameux tableau périodique des éléments sur lequel vous avez sûrement planché comme moi au lycée, Mathieu. Oui, on a souffert dessus d'ailleurs. Et bien il fête ses 150 ans. On en parle dans un instant avec votre invité, puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons le rendez-vous science grand format de France 5, consacré ce soir à la fin de l'énigme concernant le roi Richard III. Fanny Boyon réalise cette émission préparée par Chantal Le Montagnier. La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Bonjour Philippe Descola. Bonjour. Ravi de vous retrouver au micro de la tête au carré. Vous serez donc ce soir l'invité d'honneur de cette 4e édition de la Nuit des Idées. Plus de 70 pays sont concernés justement par cet échange de discussions. Et en ce qui vous concerne, donc vous serez à 18h30 au Quai d'Orsay avec l'artiste américain Sister Gates, qui est également professeur à l'Université de Chicago. Donc rendez-vous consacré à la libre circulation des idées. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est une initiative du ministère des Affaires étrangères qui, comme beaucoup d'initiatives de la puissance publique en France, ont été ensuite progressivement étendues dans le monde. Je pense évidemment à la Nuit de la musique. Il y a 4 ans, il a été décidé de faire débattre des gens sur des sujets brûlants, mais pas uniquement en termes d'invectives politiques, mais aussi de façon à réfléchir sur le temps présent, sur ces défis, sur les idées qui l'animent, et avec cet arrière-fond, au fond, que ce sont les idées qui changent le monde. Oui. Et il faut féliciter, au fond, de ce dynamisme de la politique culturelle française, puisque cette manifestation, vous l'avez dit, vont se tenir aux 4 coins du monde, quelquefois dans des zones en guerre, dans la bande de Gaza, en Afghanistan, qui pendant un moment vont suspendre au fond les antagonismes et les hostilités pour essayer de débattre entre des gens qui s'intéressent aux idées, de ce que les idées peuvent faire pour changer le monde. Ouais. Même ici en France, on voit en ce moment depuis quelques semaines avec les grands mouvements que la nécessité de discuter est vraiment au cœur de la société. Elle est, je crois, très importante, mais la différence entre à la fois le mouvement général des Gilets jaunes et son exutoire actuel dans les grands débats, c'est que je pense les grands débats sont très importants parce que ils permettent d'exposer au fond des situations Et d'entendre des voix et aussi. D'entendre des voix et de faire face au quotidien de gens qui ne se sentent pas suffisamment écoutés, alors que la Nuit des Idées ou des débats d'idées de ce type-là non pas sont plus abstraits, bien au contraire, mais permettent de au fond de débattre de domaines d'idées plus générales. Oui. C'est-à-dire au fond, alors ça a été déjà un peu le cas dans le grand débat, hein. Qu'est-ce que la démocratie, comment la rendre plus efficace, qu'est-ce que c'est que la représentation, est-ce que le système parlementaire est le meilleur système pour que chacun d'entre nous soit représenté, des choses comme ça transperce, ça transparaît dans les coutures d'un débat qui jusqu'à présent effectivement devait être assez bien délimitées. Et on peut espérer que la Nuit des idées permette aussi ce genre de choses. Avec des thématiques comme l'égalité homme-femme, les défis environnementaux, évidemment, l'architecture, l'urbanisme, le partage, les solidarités, hein, tout ça, ça fait partie des questions. Qu'est-ce qui vous relie finalement à cet artiste américain, Sister Gates, avec lequel vous allez discuter ce soir au Quai d'Orsay ? Alors, le choix qui a été fait de nous réunir, je pense, vient de ce que nous sommes l'un et l'autre engagés, quoique de façon différente, dans des expériences de terrain. Sister Gates est à la fois un artiste, un plasticien, mais c'est aussi un urbaniste et un expérimentateur de la ville, puisqu'il a, au fond, créé une sorte de laboratoire urbain dans une région que je connais un peu, dans une zone que je connais un peu, puisque j'ai enseigné jadis à l'Université de Chicago, dans le South Side, c'est-à-dire qui est juste au sud de l'Université de Chicago, qui est un ghetto. Avec de très grandes difficultés liées au ghetto, évidemment, aux États-Unis, et où il essaie de faire intervenir les habitants pour qu'ils se prononcent sur ce qu'ils voulaient faire de leur ville, de leur quartier, de leur aménagement urbain. Et moi, je suis un homme de terrain d'une autre façon, c'est-à-dire que c'est l'expérience ethnographique, d'abord celle que j'ai menée il y a longtemps en Amazonie, mais aussi celle de tous mes collègues, des jeunes chercheurs avec qui je travaille, qui stimulent mon imagination pour envisager des formes différentes de rapport au monde. Et c'est justement cette discussion sur le présent qui est tout à fait intéressante, à la lumière de toute cette expérience qui est la vôtre, Philippe Descola. On vous retrouve dans un instant pour discuter de tous ces sujets. Est-ce que vous avez des souvenirs du tableau périodique des éléments de Mendeleïev? J'en ai des souvenirs, ouais. Et en même temps, j'ai été plus loin que cela, puisque dans un livre que j'ai publié il y a quelques années, je mettais cela en modèle de ce que pourraient être des sciences sociales qui considéreraient au fond le monde comme un ensemble de pièces dont les compositions varient. Ouais. Et de ce point de vue-là, le tableau de Mendeleïev me paraissait extraordinairement parlant comme méthode scientifique. Parfait comme introduction à notre sujet. And now, the elements of the periodic table. There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere, nitrogen all through the air, oxygen so you... Et notre invité connaît bien cette version musicale du tableau périodique des éléments, donc aujourd'hui à la une de la science, Héloïse, pour fêter un événement d'importance. Oui Mathieu, il m'a semblé important de marquer le coup en chanson, ouais. Parce que le tableau périodique des éléments, en 2019, souffle ses 150 bougies. On l'appelle aussi le tableau de Mendeleïev, du nom de son génial inventeur russe Dmitri Mendeleïev, star mondial de la chimie du 19e siècle. Il a beau être vieux ce tableau, il n'a en fait pas pris une ride. François-Xavier Couder est avec nous aujourd'hui pour en parler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur CNRS à l'Institut de Recherche de Chimie Paris. Alors, dites-nous, vous l'avez dans votre bureau, vous, ce tableau, François-Xavier? Ah oui, je l'ai dans mon bureau parce que c'est une source d'information qu'on utilise au quotidien. C'est les briques à partir desquelles est construite toute la matière, les molécules, les matériaux qu'on utilise. Et donc, il est important, on l'utilise vraiment au quotidien. Alors rappelez-nous un peu les fondamentaux, on en a besoin. Qu'est-ce que c'est un élément en chimie? Alors un élément, c'est tous les ensembles d'atomes qui ont le même nombre de protons et du coup le même nombre d'électrons qui sont regroupés ensemble et ça fait un élément comme le carbone, l'azote, le plomb ou l'or parce que leurs propriétés chimiques sont les mêmes. Tous les atomes de carbone vont avoir les mêmes propriétés chimiques. Alors pourquoi Mendeleïev, il y a 150 ans, il a voulu mettre de l'ordre dans tout ça et faire un tableau? Quelle était la démarche? Alors la démarche de Mendeleïev, c'est un moment où on connaît une soixantaine d'éléments qui ont déjà été découverts. On sait qu'ils ont des propriétés qui sont différentes les unes des autres et on commence à avoir des mesures précises de leur masse atomique, du poids de chaque élément. Et on se rend compte qu'à la fois, il y a des relations, des éléments qui ont des propriétés proches et qu'il y a des règles mathématiques sur leur masse. Et donc on se dit, quelque part, il y a une organisation qui est sous-jacente à juste cette liste d'éléments. Et Mendeleïev, il fait ça, il trouve une manière de les organiser sous forme de tableau et en mettant en colonne tous les éléments qui ont les mêmes propriétés chimiques ou des propriétés chimiques voisines. Donc il y en avait une soixantaine, c'est ça, quand il a commencé le tableau? Oui, hein, à la moitié de ce qu'on a aujourd'hui. Il avait prévu des cases vides donc pour les remplir. Exactement, et il se heurte assez rapidement à un problème qui est que dans les répartitions de masse, parfois, le tableau serait plein s'il y avait un élément à cette position, mais on ne le connaît pas. Et donc il va avoir cette idée un peu... un peu génial de faire primer son système d'arrangement sur les données expérimentales en se disant mais on les connaît peut-être pas tous. Et effectivement, il prédit les cas silicium qu'on ouais. découvrira plus tard être le germanium, etc. Et il a beaucoup évolué donc depuis 150 ans. On est passé de 60 et quelques à plus de 100 maintenant. À 118 aujourd'hui. Mmh. Les derniers ont été rajoutés, officialisés, leur découverte en 2002. Et puis ouais. L'officialisation après confirmation oui, des c'est mesures. Ça, hein. Il y en avait 4, hein, je crois, les quatre derniers qui, ouais. ont été officialisés il y a 2 ans de ça maintenant. Mmh. Et donc, on est à 118 éléments aujourd'hui. Et vous les connaissez tous par cœur? Non, alors pas tous par cœur. On connaît ceux avec lesquels on travaille le plus souvent. On connaît les familles courantes, les éléments de la vie, carbone, azote, oxygène, etc. On connaît, moi je travaille avec des matériaux métalliques, donc je connais une partie des métaux, mais voilà. Et ces nouveaux éléments, on les trouve dans la nature encore? D'où ils sortent? Non, alors au-delà du neptunium, les éléments sont plus naturels et on les trouve en fait par fabrication, par nucléosynthèse. On bombarde deux atomes lourds l'un contre l'autre en espérant que par fusion, on arrive à générer un atome super lourd qui soit un nouvel élément pas encore connu. Et ça, c'est compliqué à faire? Ça se fait dans des accélérateurs, c'est vraiment compliqué. Il y a quelques équipes au monde qui sont capables de ça aujourd'hui, et c'est pour ça que la découverte de nouveaux éléments, on découvre aujourd'hui en moyenne un élément tous les 2 à 3 ans. Ouais. Mais ça sert à quoi finalement ces nouveaux éléments alors? Alors en fait, ça sert déjà pour la beauté de la découverte, ça sert pour mieux comprendre et mieux tester les modèles qui prédisent le comportement des atomes super lourds et de leurs noyaux, qui sont encore pas complètement bien établis. Et puis ça nous permet de découvrir en fait de nouveaux isotopes d'éléments déjà connus, mais avec des propriétés de radioactivité différentes, et pour des applications dans le domaine médical notamment, des radiothérapies, etc. Alors, il y a des nouveaux éléments qui arrivent, est-ce qu'il y en a qui risquent de sortir du tableau? Est-ce qu'il y en a qui sont menacés? Alors, sortir du tableau, non, une fois qu'un élément est découvert, il est là. Par contre, les approvisionnements de certains éléments peuvent être menacés, soit par des raisons, il s'agit de ressources finies sur la Terre en tout cas. Donc, la plupart sont découverts dans des mines et puis on les extrait. Et pour des raisons de ressources limitées, pour des raisons géopolitiques aussi d'approvisionnement, certains peuvent être difficiles à se procurer ou devenir difficiles à se procurer. Le lithium, qu'on utilise énormément pour tout ce qui est application dans les batteries, peut être à terme un problème en termes d'approvisionnement. Ouais. Et je crois qu'il y a même une année internationale, 2019, c'est ça? C'est l'année du tableau des éléments périodiques. 2019, l'année internationale du tableau des éléments périodiques pour ses 150 ans. Et puis 2018-2019, l'année scolaire de la chimie à l'école, de l'école à l'université. Voilà, et c'est bon de le rappeler. On en parlera bien sûr à plusieurs reprises dans La Tête au Carré. Merci François-Xavier Coudert d'être venu aujourd'hui à la Une de la Science. Merci à vous. Et Héloïse, à demain. À demain Mathieu. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, des paysages enfouis depuis plus de 40 000 ans dans l'Arctique canadien sont en train de faire surface, de refaire surface sous l'effet de la fonte des glaciers. C'est sur l'île de Baffin, entre le Groenland et le Canada, que le phénomène a été découvert. Les scientifiques qui publient leurs travaux dans la revue Nature Communication ont daté les échantillons de plantes, de mousses et de lichens de l'île. Et ils ont constaté que ces végétaux étaient probablement enfouis sous la glace depuis au moins 40 000 ans. La région pourrait actuellement traverser son siècle le plus chaud depuis 115 000 ans. Les chercheurs de l'école d'ingénierie et de sciences appliquées de l'université de Pennsylvanie ont réussi à fabriquer de leur côté une feuille de nickel high-tech. Ses pores de taille nanométrique la rendent aussi solide que le titane, mais 4 à 5 fois plus légère. Les scientifiques ont travaillé sur l'arrangement des atomes dans l'espace du métal qui détermine ses propriétés comme son poids et sa résistance. Et les scientifiques ont appelé leur matériau bois métallique car il présente une résistance mécanique et une stabilité chimique élevée, ainsi qu'une densité proche de celle des matériaux naturels comme le bois. Et puis le CNRS qui vient d'ouvrir sa première antenne à l'étranger, au Canada, à Ottawa très exactement. Le CNRS est associé à l'Université de Lyon dans ce qui est présenté aujourd'hui comme le premier projet du genre à l'étranger. Allez, dans un instant, Philippe Descola, notre invité. Dancing, the lonely days go by. Jessica Pratt, c'était Polly Blue. La tête au carré, Mathieu Vidard. Philippe Descola, vous êtes donc avec nous cet après-midi dans La Tête au Carré à l'occasion de cette nuit des idées dont vous êtes l'invité d'honneur. Donc ce sera ce soir pour ceux qui sont à Paris à 18h30 au Quai d'Orsay. Il faut réserver évidemment parce que le nombre de places est limité en allant donc sur le site lanuitdesidées.com. Et puis donc 70 pays, presque 80, hein, qui sont concernés par ces échanges. Donc il y aura beaucoup de Français dans différents points du monde. Pour justement échanger sur le présent. Hein. C'est vaste comme sujet, hein, quand même. Oui, c'est un sujet très vaste. C'est vertigineux, même. Qui est suffisamment vaste pour en avoir des appréhensions, justement, très différentes. Au fond, ce qui me frappe surtout lorsqu'on parle du présent, c'est que c'est l'idée que les présents sont démultipliés et rarement superposables, puisque le présent de chacun d'entre nous, selon le lieu où nous sommes, précisément autour de la planète, est conditionné par d'abord une histoire particulière, un système de valeurs, un système culturel différent, des agendas différents. Et donc ces présents ne sont simultanés que parce que, par le miracle des instruments de communication et du ministère des Affaires étrangères, on arrive à organiser simultanément ces événements un peu partout. Cela dit, si ça peut permettre de confronter des présents différents et des désirs, des espoirs différents fondés sur précisément des situations qui sont extrêmement variables, c'est une très bonne chose. Le seul présent, au fond, qui nous réunit tous, c'est le présent de l'état du monde à venir et les inquiétudes qu'il peut susciter du fait du réchauffement climatique, de l'érosion de la biodiversité, c'est-à-dire au fond des conditions d'habitabilité de la Terre. Qui sont en train de se détériorer, dont on pense qu'elles seront bien pires à la fin du siècle. Et ça concerne tout le monde, à des échelles différentes, à des degrés différents sans doute, mais ça concerne tout le monde. Est-ce que c'est pas un petit peu paradoxal d'ailleurs, parce qu'au fond, on n'a jamais été aussi dissocié de la nature dans notre façon, justement, dans notre relation avec elle, et en même temps, on voit que nos inquiétudes sont réelles et qu'elles nous mobilisent aussi, peut-être pas assez, mais en tout cas, on voit que c'est au centre là aussi des discussions et des réflexions. C'est un paradoxe de cette notion qui est beaucoup employée en ce moment d'anthropocène, puisque elle est censée désigner une période géologique, même si elle n'a pas encore été acceptée officiellement, qui a pour caractéristique que la principale force naturelle, ce sont les humains. Et donc, elle est proposée par des scientifiques, c'est ça qui est intéressant, par des géochimistes, et elle a comme effet précisément de nous montrer que nous ne sommes pas véritablement dissociés de la nature comme on l'avait cru pendant longtemps, que nos façons d'agir dans l'environnement ont des effets rétroactifs sur cette nature, et qu'en même temps, elle se rappelle à nous alors que sous sa forme habituelle, c'est-à-dire sous la forme d'espace peu anthropisé, disons, elle s'éloigne de plus en plus de nos habitudes de vie, puisque maintenant, comme on le sait, plus de la moitié de l'humanité vit dans des villes, et donc a de moins en moins de contacts, et surtout peut-être même dans les grandes villes du Sud, je pense à Lagos ou à Mexico, qui sont des villes de plusieurs dizaines de millions d'habitants, tentaculaires, dans lesquelles les habitants n'ont plus qu'un rapport complètement ténu, au fond, avec les plantes, les animaux, les rivières, les montagnes, etc. Le présent de l'Amazonie aujourd'hui, Philippe Descola, c'est quoi finalement, s'il fallait résumer ce qu'est, au fond, ce territoire immense? Alors, il faut d'abord souligner, je l'ai souvent fait, peut-être même déjà dans votre émission, que l'Amazonie, c'est pas la nature. L'Amazonie, c'est un écosystème tout à fait singulier, mais c'est une forêt équatoriale, mais qui a été profondément transformée par l'occupation humaine au fil des millénaires. Et depuis longtemps, oui. Et depuis longtemps. Ça veut dire que, au fond, la composition floristique de l'Amazonie, même la composition des sols, ont été affectés par la présence humaine. C'est donc pas un morceau de forêt vierge, comme on dit, le plus grand morceau de forêt vierge subsistant sur la face de la Terre, mais un endroit qui est extrêmement anthropisé. Cela dit, cette anthropisation progressive et qui n'a pas laissé d'effet très visible, sauf pour les savants qui l'étudient, elle est maintenant en train de s'accélérer. Du fait de l'extension des fronts pionniers, du fait de l'extension de la des plantations, par exemple de palme à huile ou de grandes exploitations agricoles de soja au Brésil, par exemple, ou bien du fait de l'exploitation minière. Et de ce fait, elle est en train de reculer, de même que les populations qui l'habitent sont de plus en plus affectées par cette agression permanente de ce milieu forestier très original, non seulement du fait de sa biodiversité, mais aussi du fait de son agro-biodiversité, de sa diversité culturelle et de l'intrication qu'il y a entre les populations autochtones et l'environnement. Et les préoccupations sont grandes aujourd'hui suite à l'élection du nouveau président brésilien. On va écouter justement un son d'actualité d'octobre dernier, donc c'était avant justement l'élection de Bolsonaro. Dans le monde idéal de Jair Bolsonaro, la campagne, ça ressemble à ça. Des cultures de soja, d'arachide et de canne à sucre à perte de vue. Un seul modèle, l'agriculture intensive, sur laquelle repose un quart de la richesse du Brésil. Ici, glyphosate et OGM sont synonymes de progrès et les règles environnementales sont vécues comme des contraintes. Paulo Paulista doit pour l'instant laisser 20% de ses terres en friche pour y replanter des arbres au nom de la sauvegarde de l'environnement. Une loi dont il espère qu'elle prendra fin avec l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro. La seule chose qu'il dit, c'est qu'il va probablement fusionner deux ministères, parce que nous n'avons pas besoin d'un ministère de l'agriculture et d'un ministère de l'environnement. Et plus il y a de soja, plus il y a de bœuf, plus la forêt recule. L'agrobusiness, c'est la principale cause de la déforestation galopante au Brésil. Ces 50 dernières années, l'Amazonie brésilienne a perdu 20% de sa surface, l'équivalent d'une fois et demie la France métropolitaine. Quel regard vous portez sur l'arrivée de Bolsonaro au Brésil, Philippe Descola? C'est une catastrophe, bien sûr. C'est une catastrophe pour l'environnement, c'est une catastrophe pour les populations amérindiennes. Et d'ailleurs, un des premiers actes présidentiels de Bolsonaro a été de faire dépendre les terres occupées par les Amérindiens, non plus de la FUNAI, qui était l'organisme fédéral de protection des Indiens, mais du ministère de l'Agriculture. Ce sont des terres fédérales, ce sont donc pas des terres qui appartiennent aux Indiens, elles appartiennent à l'État, à la fédération brésilienne, mais leur gestion était déléguée aux Amérindiens qui occupaient ces terres. Après tout, c'est les premiers occupants de ce pays. Ils ne sont pas extrêmement nombreux, ils sont 200 000 peut-être, donc très peu. Et la politique de Bolsonaro, c'est de trouver insupportable que ces quelques centaines, quelques dizaines de milliers d'Amérindiens occupent encore des terres qui pourraient être utilisées justement pour l'agro-business. Alors, c'est vrai que d'une certaine façon, on est aussi, nous, Européens par exemple, responsables de cela. C'est-à-dire que les tourteaux de soja qui alimentent les vaches que nous mangeons en Europe sont produits au Brésil et que si on n'achète pas de tourteaux de soja, si on élevait moins de vaches, il n'y aurait pas ce genre de difficultés. De la même façon, lorsque nous consommons des produits dans lesquels il y a de l'huile de palme, nous sommes complices au fond de la déforestation produite par l'industrie de l'huile de palme. Donc ce système intégré à l'échelle planétaire, il demande aussi de la part part des pays consommateurs que nous sommes, une plus grande vigilance vis-à-vis de nos sources d'approvisionnement, parce qu'elles ont des effets immédiats sur les populations autochtones et sur l'environnement d'une manière générale. Alors, votre terrain d'étude, c'était l'Amazonie, avec les Indiens Achuar, on en a déjà parlé évidemment dans cette émission, et vous êtes retourné là-bas, donc votre premier contact avec eux, c'était il y a 40 ans, et vous êtes retourné très récemment là-bas, c'était l'année dernière. Que sont-ils devenus exactement ? Alors c'était une circonstance qui, pour moi et mon épouse, collègue ethnologue Anne-Christine Taylor, est extrêmement émouvante parce que nous avons été invités par les Achuar et par des Chouars, qui sont leurs voisins plus proches du front de colonisation, disons, pour discuter de nos travaux. Nos travaux ont été traduits en espagnol. Ah oui, donc ils vous ont lu, ça y est. Donc ils ont lu. Ouais. Et évidemment, au fil des années, vous avez rappelé, c'est un peu plus de 40 ans, il y a trois générations qui se sont écoulées. Et la jeune génération, maintenant, pour certains d'entre eux, a fait des études universitaires. Certains d'entre eux sont des scientifiques, sont des agronomes par exemple, mais aussi ils ont fait des études de sciences sociales. Et donc maintenant, nous pouvons discuter d'égal à égal entre observateurs et observés. Et ça rompt complètement le rapport inégalitaire, au fond, du savant qui, même s'il partage la vie au jour le jour d'une population, même si il est, comme nous l'étions, pas du tout incité à transformer quoi que ce soit en faisant l'apologie, bien sûr, d'un autre mode de vie, bien au contraire. Cela dit, il y a quand même un déséquilibre, une dissymétrie entre l'observateur et l'observé. Et cette dissymétrie a été en voie d'être comblée. Et nous avons été très émus par le fait que cette jeune génération, après une période dans laquelle les populations amérindiennes, à juste titre probablement, considéraient avec une certaine méfiance les ethnologues qui voyaient précisément comme des voleurs de culture, si je puis dire, c'est-à-dire des gens qui venaient un peu comme des muséographes jadis, s'emparer d'une partie du patrimoine immatériel pour le publier et sans trop se préoccuper au fond de la situation présente. Après cette période, la jeune génération s'est rendue compte que l'anthropologie, c'était pas simplement de collecter des mythes, c'était aussi tenter de comprendre une situation présente complexe, de la célébrer parfois, c'est ce que nous avons fait, et donc de la faire connaître au monde, et en même temps d'essayer de comprendre les rapports difficiles que ces populations ont maintenant dans un monde très très différent, quelles sont leurs marges de manœuvre, comment changer sans tout bouleverser, et les anthropologues au fond sont en première loge pour essayer d'accompagner ces transformations. Un de mes collègues brésiliens me disait que récemment, chez les Amérindiens où il travaille, les femmes étaient venues le voir et lui disaient « Voilà, on a un problème et tu peux certainement nous aider. On aime bien nos hommes, c'est des mastards, c'est vraiment des costauds, des types très spectaculaires, couverts de plumes, etc. Et en même temps, on veut qu'ils restent comme ça, des types très virils, mais en même temps, on veut pas qu'ils nous battent. Alors comment, et la question était intéressante parce qu'elles avaient vu juste, au fond, je sais pas, et ce collègue n'avait pas de réponse à fournir toute faite, mais l'idée qu'un anthropologue, dans la situation d'observation, à la fois, dans un rapport intime avec une société et en même temps avec une extériorité relative qui vient du point de vue d'un monde extérieur, et peut-être dans une situation positive pour essayer de résoudre des problèmes de ce type-là, mais des contradictions de ce type-là. Est-ce qu'il ne n'outrepasse pas justement son rôle d'ethnologue ? Ah ben ça, il faut lui. Si on lui demande, c'est différent. C'est le missionnaire qui impose des solutions, ou les organes de l'État. Mais l'anthropologue, il ne répond qu'aux sollicitations qu'on lui fait. Et dans ces conditions-là, ça me paraît légitime. En tout cas, de toute façon, le conseiller n'est pas le payeur. C'est-à-dire, tout ce qu'il peut dire, c'est voilà ce qui me semble être la meilleure solution possible. Alors, on va partir justement sur le terrain auprès des Achuar à l'occasion d'un documentaire qui avait été tourné là-bas en 2012, s'appelle Chumpi et la cascade. Donc, on va pénétrer justement dans cette ambiance. On va en faire la traduction d'ailleurs en simultané. Tantôt, on va voir comment on va faire. Donc là, c'est un homme qui fait ses ablutions. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Achuartikia, ça veut dire nous les Achuars, ouais. nous avons l'habitude, avant de boire la wayous, qui était une espèce de c'est quoi comme boisson? C'est un thé, c'est un peu comme le maté, c'est de la même famille botanique, que l'on boit le matin, avant l'aube, pour se purger, et c'est le moment aussi où on raconte ses rêves. Et après, on va se baigner justement dans l'eau et dit nous avons l'habitude, après avoir pris la wayous, de nous baigner, de nous fortifier d'une certaine façon dans les rivières qui, à ce moment de la journée, sont très froides. Voilà, il dit nous sommes connus comme le peuple de wayous. De la wayous, cette boisson, et nous sommes les Achuars, c'est ce qu'il disait justement dans cette traduction. Est-ce que leur rapport à la nature, justement, a beaucoup changé? Si aujourd'hui, vous deviez passer plusieurs mois auprès d'eux, est-ce que le récit serait complètement différent? Non, je ne pense pas qu'il serait complètement différent. Et une chose qui m'a beaucoup frappé lors de ce dernier séjour, c'est de voir que c'est les élites. Il y a des élites maintenant, c'est une chose qui n'existait pas à l'époque, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont sortis pour faire des études, qui mesurent parfaitement bien le danger du monde extérieur, en particulier le danger qu'amènent les routes, avec la colonisation, les risques de la prostitution, des maladies infectieuses, etc., et qui ont essayé de maintenir les Achuars à l'écart du développement du réseau routier, tout en créant par ailleurs une compagnie d'aviation, une petite compagnie d'aviation, avec un pilote Achuar, qui dessert, c'est des petits avions monomoteurs, des pistes, qui permet donc de contrôler les flux qui arrivent dans le territoire. Et à l'intérieur du territoire, ils ont fait par exemple cette chose extraordinaire qui est de grâce à un jeune Américain d'une ONG, de construire des pirogues avec des moteurs électriques, avec des panneaux solaires. Ouais. Autrement dit, les déplacements, c'est comme des sortes d'autobus. Ça. Une fois qu'on est dans le territoire, on se déplace le long des rivières dans ces pirogues couvertes de panneaux solaires qui permettent donc une circulation plus facile qu'elle ne l'était à l'époque où il fallait soit marcher à pied, soit en poussant des pirogues avec des perches. Donc il y a une intelligence très grande de ce qui est souhaité et des moyens techniques modernes qui permettent de réaliser cette forme d'autonomie. Donc je trouve que c'est un exemple très réussi précisément. Alors bien sûr, il y a des conflits, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui souhaitent néanmoins avoir des routes, peut-être parce qu'ils ne sont pas très conscients de ce que les routes peuvent amener, parce que ça leur permettrait de vendre des produits sur un marché, ça leur permettrait de se fournir en biens de consommation élémentaire, etc. Donc les conflits existent, mais en même temps je suis fasciné par l'intelligence avec laquelle ils confrontent précisément le présent. Est-ce que certains d'entre eux, alors ceux qui étudient pour le coup, sont devenus ethnologues? Est-ce qu'il y en alors, a... c'est parce que ça, ce serait extraordinaire qu'ils viennent aussi maintenant en France étudier ce qui se passe chez nous. C'est ma grande ambition, ah oui, en vrai dire. Ce serait extraordinaire, non? J'ai mis vraiment le doigt là-dessus, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'étais revenu. Et non seulement qu'ils deviennent des ethnologues comme certains d'entre eux souhaitent le faire, c'est-à-dire ça, il y a des gens qui ont fait des études de sciences sociales, il y a un ethnologue, mais de la communauté voisine, des Chouars, ce ne sont pas des Achuars. Et l'ambition, évidemment, ça serait non seulement qu'ils s'intéressent, comme ils le souhaitent, à leur propre culture, mais que, comme vous venez de le dire, ils viennent hors de leur contexte culturel d'origine, étudier d'autres sociétés de par le monde, y compris la nôtre. Et c'est à ce prix-là, au fond, et à ce que une véritable intelligence de la complexité du monde pourra leur servir comme d'un instrument critique, au fond, pour mieux s'adapter aux circonstances présentes. Alors justement, le regard extérieur posé sur la société, c'est exactement ce que nous raconte Claude Lévi-Strauss dans l'extrait que nous allons entendre, qui a été enregistré en 1950, interviewé s'il vous plaît par Michel Tournier. Écoutons-le. La technique ethnologique demande une sensibilité aiguë à tout ce qui fait l'originalité et la spécificité d'une culture étrangère. L'ethnographe doit cultiver en lui cette aptitude au dépaysement qui est la condition même de son succès. C'est pour cette raison qu'il est beaucoup plus difficile de faire l'ethnographie de sa propre société que de populations lointaines. Nos usages et nos coutumes, nos préjugés et nos croyances nous semblent aller de soi, alors qu'un étranger verrait tout de suite que chacun pose un problème précisément parce qu'il contraste avec les siens. Cependant, il n'est nullement exclu qu'un bon ethnographe puisse appliquer cette observation du dehors que constitue l'ethnologie à sa propre société. Nous menons en ce moment des enquêtes ethnographiques dans deux localités françaises. Et j'étonnerai peut-être nos auditeurs en leur disant qu'à certains égards au moins, les traits que nous décelons dans la conduite des individus et des groupes sont non seulement aussi intéressants, mais parfois même aussi imprévus que ceux qu'on pourrait aller chercher au cœur de l'Afrique ou de la Polynésie. Claude Lévi-Strauss, hein, en 1950, Philippe Descola. Tout à fait, ces deux études, d'ailleurs, Lévi-Strauss a été un pionnier. Il a été un pionnier quand il était au Brésil, puisque lorsqu'il était professeur à l'université de São Paulo, il emmenait ses étudiants faire du terrain dans les différents quartiers de la ville. Et ces deux villes, c'est Vienne, en France, et Nouville. Mmh. Et c'est deux monographies très originales pour l'époque. Et je pense qu'il met le doigt, comme toujours, sur un point très important, qui est la difficulté à voir avec le regard de quelqu'un qui vient d'une culture différente sa propre culture. Et je pense que l'intérêt justement de l'ethnographie, le levier que comporte au fond le fait d'aller loin, la distance est toujours construite, mais lorsqu'elle vous est au départ offerte par une grande différence culturelle, elle permet ensuite de se retourner vers sa propre société avec la distance nécessaire pour ne plus la voir comme allant de soi. Et ça, c'est, je pense, un mérite extraordinaire que l'ethnographie de société lointaine nous donne à nous, ethnographes, lorsque nous considérons notre propre société. Philippe Descola, qu'est-ce que j'aimerais qu'on se retrouve un jour à ce micro avec un ethnographe hachoir qui viendrait nous présenter son travail sur notre société, justement. Je vous l'amène dès que le premier sera là, je vous l'amène. Avec grand plaisir, ça ferait une tête au carré absolument extraordinaire. On se retrouve dans un instant pour évidemment poursuivre notre discussion à l'occasion donc de cette nuit des idées. Nuit fantôme, c'était The Liminianas. La tête au carré. Voilà, deux enfants marchant dans la forêt. Philippe Descola, Hachoir, qu'est-ce qu'il se raconte là? Il parle de Kundin. Kundin, c'est le gibier. Ouais. Et il dit, le gibier, c'est farouche. Comment le faire, comment le faire venir? Parce que il... Sorimiaoué, c'est très difficile à traduire. Il se refuse par mesquinerie. Et donc, il s'agit à nouveau de le flatter et de ce que les animaux reviennent. Voilà. Il est question d'un agouti, paraît-il, oui, dans ce texte, et d'un piège posé pour l'attraper, justement. Oui. Les enfants chassent dès le plus jeune âge. Oui, bien sûr. Ouais. Leur père leur fabrique des petites sarbacanes, ouais. Et on conserve dans les jardins. Sinon, c'est de l'horticulture sur brûlis, donc on abat les arbres pour brûler ensuite et planter beaucoup de choses, donc, dont principalement du manioc. Mmh. Mais on garde des arbres qui portent des fruits, parce que ces fruits attirent les oiseaux, et que lorsque les oiseaux viennent manger les fruits, ça permet aux petits garçons de s'exercer. Ouais. Au tir à la sarbacane. Ouais. Est-ce que ces enfants, est-ce que cette société Hachoir a toujours le même rapport justement avec les non-humains, avec les esprits, avec les plantes? Oui, en partie, je pense. Alors, il y a moins de gibier parce que la densité de population augmente. Et donc, ils sont combien aujourd'hui, les Hachoirs? Les estimations sont difficiles parce qu'ils sont répartis entre deux pays, l'Équateur et le Pérou. Ils sont, je pense, environ 10 000 en Équateur et probablement autant au Pérou. Et ils vivent maintenant regroupés dans des villages parce que l'éducation bilingue, les programmes de santé, les pistes d'atterrissage aussi pour des questions de santé, d'évacuation des malades vers les hôpitaux, etc., favorisent le regroupement. Mais ce regroupement, il tend évidemment à faire fuir le gibier. Cela dit, l'importance du rêve pour communiquer avec les animaux est toujours considérable. Et je me souviens que dans une discussion que j'ai eue en avril dernier, quelqu'un me disait « Oui, c'est très bien ce que tu racontes, mais est-ce que tu rêves pour nous dire tout ça ?» Ouais. Donc, au fond, l'importance du rêve comme un moyen de communication avec les non-humains continue à rester quelque chose de tout à fait central, oui. De quelle façon, finalement, il nous éclaire sur notre société, nous, aujourd'hui, occidentale? Parce que c'est ça qui est assez fascinant, au fond, dans ce travail que vous avez réalisé, c'est qu'il est totalement ancré aussi dans le présent. Oui, je pense que tant les Hachoirs que n'importe quelle autre population dans le monde qui diffère de nous par sa façon d'entrer en rapport avec les non-humains en particulier, nous éclaire en nous montrant que des voies alternatives sont possibles. Non pas que nous devrions adopter, bien sûr, on ne va pas vivre comme les Hachoirs demain ou comme les pygmées, ou comme les Inuits, mais simplement que ces possibilités doivent être envisagées, et que la façon que nous avons déprédatrice de considérer la Terre comme un système de ressources infinies n'est pas la seule, et que d'autres expériences collectives ont été menées avec succès, dans des mondes qui sont d'une grande richesse de signification, et qu'il n'y a pas de raison que nous puissions continuer à saccager le nôtre, puisque ailleurs dans le monde, on a inventé, en somme, des manières d'être collectives qui étaient beaucoup moins dommageables. Ouais. C'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, finalement, avec le tableau des éléments périodiques. C'est-à-dire qu'on pourrait s'inspirer de ce tableau de la chimie. Absolument. Pour essayer, justement, de répertorier, au fond, des formes de vie sociale. Il s'agit moins de répertorier que de comprendre. Les mécanismes qui fonctionnent. Malheureusement, on en est loin. les principes de composition. C'est ça, au fond, qu'a fait Mendeleïev. Hein, c'est les principes de composition de la matière chimique. Et lesquels principes sont d'une universalité telle qu'ils permettent d'envisager même les molécules qu'on n'a pas encore découvertes. Donc, si on parvenait à faire cela, mais c'est, pour le moment, c'est encore un rêve. Ouais. C'est-à-dire, si on parvenait à comprendre les principes de composition des mondes, eh bien, on pourrait, au fond, envisager des mondes qui n'existent pas encore. Et de ce point de vue-là, la science-fiction s'efforce de faire cela, mais peut-être pas toujours avec l'imagination, une imagination aussi grande que des expériences déjà réalisées dans l'histoire, et d'inventer donc des mondes complètement nouveaux qui seraient des réalisations de potentialités ou l'application de règles de composition qui n'ont jusqu'à présent pas donné de réalisation. Alors, quand vous dites des mondes, c'est des mondes humains ou des mondes humains et non humains? Ah oui, donc pour moi un monde c'est l'actualisation par des humains de certaines propriétés de ce que nous, on appelle ordinairement le monde, c'est-à-dire de l'ensemble des êtres, des relations, des processus, etc., qui sont objectivables par les humains, que la science s'efforce d'objectiver. Mais ce que je pense, c'est que chacun de ces mondes objectivés est une objectivation partielle, mais cette objectivation partielle, elle rencontre d'autres mondes sur ses marges, et c'est ça qui, au fond, est la source des hybridations entre les mondes. Donc on peut avoir l'idée classique sur laquelle s'est fondé le développement des sciences positives en Occident. On a un monde, c'est le monde de la matière, disons, et des processus naturels que l'on va progressivement dévoiler avec le développement de la science. Mais il me semble qu'on ne dévoilera pas tout. Probablement, l'humanité aura disparu avant que ce processus s'achève. Et donc, ce que font la plupart des gens autour du monde, c'est qu'ils objectivent partiellement ces mondes à partir des éléments dont ils disposent dans l'observation de leur environnement, à partir de ce qu'ils peuvent imaginer. Et ce sont ces mondes, en fait, qui constituent eh bien, nos espaces de vie à chacun d'entre nous et au collectif au sein desquels nous sommes immergés. Donc avec un tableau, on pourrait trouver des combinaisons plus ou moins efficaces, ou très efficaces. Efficaces, je ne sais pas si c'est l'efficacité qui doit primer. Hein. C'est aussi... je ne sais pas, va dire, quel serait le critère. Ouais. C'est celui, au fond, qui permettrait les relations les moins négatives et destructrices entre humains et entre humains et non-humains. C'est pour ça que... Comment est-ce que vous l'appelleriez, ce tableau? Est-ce que vous avez déjà imaginé le nom que vous pourriez lui donner? Oh, je pense que c'est précisément, j'ai parlé tout à l'heure du tableau de composition des mondes. C'est probablement la formule la plus simple. Et vous parliez tout à l'heure il y a un concept que j'ai utilisé ou créé peut-être il y a des années, celui d'universel relatif au sens de, non pas d'une, pas de façon, c'est pas un oxymore, c'est un universel des relations. Il me semble que ce qui serait intéressant aussi, c'est d'envisager les formes de relations possibles et impossibles. Possibles sur le plan du politiquement et moralement acceptable et impossibles sur le même plan aussi. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une universalité qui serait fondée sur les qualités attachées à la personne humaine, qualité abstraite, disons, hein, que c'est un être sensible, cognitif, capable de réflexion sur soi-même, etc., comme a été, au fond, le développement de la philosophie des Lumières et puis la philosophie politique moderne. On pourrait envisager quelque chose qui serait plus universel, en ce sens qui serait fondé sur un universel des relations, plus que sur des qualités singulières attachées à la personne humaine, parce que, au fond, beaucoup de populations sont tout à fait, comme les Hachoirs, prêtes à admettre dans la communauté des personnes des non-humains. Et donc, ça permettrait de dépasser l'anthropocentrisme et l'eurocentrisme qui sont très caractéristiques, au fond, de la philosophie moderne. Du vivre ensemble. Quel regard vous portez, Philippe Descola, sur les mouvements humains, justement, qui traversent la société française, là, actuellement? Ça me paraît être des mouvements qui sont très contradictoires, parce que d'un côté, il y a à l'évidence une exigence de dignité, d'être écouté, d'être considéré. La considération est quelque chose qui est très important et la déconsidération est l'une des choses qui, au fond, est la plus exaspérante et la conduit violente. Le plus à la colère aussi. Donc on a cet aspect-là qui est extraordinaire, c'est-à-dire au fond il y a la parole s'est ouverte, un torrent de paroles de gens qui n'avaient pas la parole s'est ouvert, et en même temps il y a aussi une conception que je trouve très liée à l'individualisme moderne, c'est-à-dire au fond chacun des protestataires, disons, se trouve dans une situation d'individu par rapport à l'État. Donc, je paye trop de taxes, qu'est-ce que l'État me donne en échange ? C'est comme si c'était un donnant-donnant. Et ça, c'est une vision très individualiste, précisément, et très peu caractéristique de populations comme celles que je connais. Donc voilà, c'est un mouvement plein de contradictions, et en ce sens, il est intéressant, évidemment. Et j'imagine que vous en parlerez probablement aussi ce soir, à l'occasion de la Nuit des idées face au présent. C'est donc la quatrième édition, vous en êtes l'invité d'honneur, Philippe Descola. Ce sera au Quai d'Orsay, mais dans beaucoup d'autres lieux en France et dans le monde. Pour en savoir plus, lanuitdesidées.com, il y a tout le programme et évidemment le lien pour s'inscrire et vous retrouver ce soir. Merci beaucoup d'être venu dans La Tête au Carré. Merci Mathieu Vidard. À bientôt. La science grand format, en partenariat avec France 5. Richard III, la fin d'une énigme, à voir ce soir donc à 20h50. Bonjour David Amiel. Bonjour Mathieu. Qui est Richard III et qu'est-ce que nous allons apprendre sur lui ce soir exactement ? Alors ce soir, on va découvrir les coulisses d'une des plus grandes aventures archéologiques de notre époque. Alors tout commence en août 2012, quand des archéologues de l'université de Leicester entament des fouilles sous un parking à la recherche de la dépouille du roi anglais Richard III, dont la tombe s'est en fait perdue suite à la démolition du monastère attenant. Alors c'était un monarque du XVe siècle, qu'on disait tyrannique, peut-être même le roi le plus détesté d'Angleterre. Et donc, dès le premier jour des fouilles, les ouvriers tombent sur de mystérieux ossements et reconstituent peu à peu tout un squelette humain. Alors comment est-ce qu'on a pu identifier ce squelette exactement ? Alors tout d'abord, via une longue expertise de ses os et de ses dents, donc ce qui permet de déterminer son sexe, son état de santé, son régime alimentaire. Puis une analyse comparative de l'ADN du dernier ancêtre connu de ce roi. Ou encore même la modélisation 3D de son visage à partir de la forme du crâne qu'on a ramassé et qu'on va comparer aux différents portraits de l'époque. Et l'analyse également des blessures présentes sur le squelette qu'on va comparer au texte qui évoque sa mort. Et donc enfin, une datation en carbone 14 va permettre de déterminer assez précisément l'année de la mort de cet individu. Extrait donc de ce documentaire Richard III, la fin d'une énigme. La datation en carbone 14 est utilisée depuis les années 1940. C'est une méthode scientifique qui permet de dater les organismes vivants. Elle repose sur un principe simple. Tous les organismes vivants absorbent une certaine quantité de carbone 14, un isotope radioactif du carbone, et cette quantité se met à diminuer à un rythme donné lorsque l'organisme meurt. La technique consiste à prélever un échantillon sur le squelette et à isoler ses composants. Elle permettra de dater les ossements et donnera des indications sur le régime alimentaire de l'individu. Philippa et John assistent à la divulgation du résultat. Ils espèrent qu'il se rapproche de la date à laquelle Richard III est mort, 1485. Alors, était-ce bien le roi Richard III et comment est-il mort, David ? Alors vous imaginez bien que ce squelette n'était pas celui d'un inconnu. Et donc à l'époque de Richard III, la guerre des Deux Roses, qui voyait les maisons York et Lancaster s'opposer pour le trône, faisait rage depuis plusieurs décennies. Mm-hmm. Et en 1483, Richard III a conquis la couronne après avoir éliminé ses rivaux directs en les enfermant à la Tour de Londres, ce qui lui a permis d'accéder au trône. Mais seulement 2 ans après, son ennemi Henri Tudor l'affronte et le tue sur le champ de bataille, et mettant ainsi fin à cette guerre. Et c'est d'ailleurs cette guerre des Deux Roses dont s'est inspiré George R.R. Martin, le créateur de Game of Thrones, oui, pour écrire sa saga. Eh bien, c'est une grande saga archéologique, justement, qu'on va découvrir ce soir à 20h50 sur France 5, dans la case Science Grand Format, avec Richard III, la fin d'une énigme. Merci David, à la semaine prochaine. Merci Mathieu.